Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107FM. Et ce soir, on va parler un peu sport, hein. Un sport un petit peu particulier qui sort des sentiers battus, on va dire, vu que c'est pas un sport auquel on pense à l'origine. En effet, ce soir, on va parler de cibles, de flèches, on va parler de fléchettes avec le club d'artistes, hein, club Romarimontin avec Marcus et Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant toute chose, je pense, Marcus, je ne sais pas si on a spécialement besoin de te présenter aux auditeurs. Si, parce que finalement, je parle nettement moins que toi. En effet, notre cher et tendre responsable d'antenne et aussi dans le club d'artistes, hein, même c'est toi qui me l'a fait connaître, alors merci. Et toi Dominique, qui es-tu donc? Moi, Dominique Noël, je suis le président du club d'artistes de Remiremont. Donc ça fait depuis l'âge de 18 ans que je fais et je suis dans le monde des fléchettes. Allez, t'es pas une demoiselle, on peut te demander ton âge. J'ai 51 ans, voilà. Je vais avoir 51 ans cette année, voilà. Et puis, voilà, ça va faire 5 ans que je suis président du club. Avant, j'avais mon collègue et puis trésorier qui était Jean-Michel Abdel, qui est toujours actif d'ailleurs dans le club. Et heureusement. Et heureusement, oui, parce que vraiment... Un club qui ne fonctionnerait pas s'il n'y aurait pas tous les collègues, que ce soit Marcus aussi d'ailleurs, hein, il est toujours présent, aussi que pour le montage ou n'importe pour quelle compétition. Donc, comme toutes les assos, il y a besoin de bras, on va dire. Voilà, ça dit tout ce que ça veut dire. Et donc, Dominique, dis-moi, est-ce que tu sais depuis combien de temps le club existe ? Depuis 80... je dis pas de conneries, de bêtises, on va dire. Il me semble que c'est depuis 84, je crois. C'est Jean-Michel Abdel qui a créé le club. Je ne sais pas si tu peux répondre à ma question, mais est-ce que tu sais pourquoi le nom club d'artistes, qui est d'ailleurs, je crois, DART*ISTES. Voilà, alors DART, c'est le nom anglais. Ah, d'accord. C'est-à-dire que les fléchettes, ça vient d'Angleterre, particulièrement. Donc, et puis, le IST, c'est pour une petite virgule, c'est pour l'humour, pour associer à DART. Ça fait d'artistes, ah oui. Comme les artistes. Oui, les artistes des fléchettes. Voilà. C'est une petite pointe d'humour. En effet, vu que j'imagine, hein, je ne joue pas très souvent aux fléchettes, même j'y ai presque jamais joué, mais ce n'est pas évident de viser la cible, ça demande peut-être une certaine dextérité. De la concentration, du calcul mental, et puis de l'entraînement, parce que ceux qui jouent, comme on dit, il y en a qui s'entraînent chez eux, pas automatiquement au club ou qu'on a un siège social. La plupart, il y en a qui s'entraînent chez eux, entre eux. Oui. Mais la plupart, ils jouent au moins, je dirais, trois jours par semaine. Puis voilà, ça s'entraîne. Et d'ailleurs, tu peux peut-être me rappeler... s'il y a des règles du jeu particulières pour les fléchettes. Alors, nous, la règle, ça a toujours été le même jeu. C'est 501, finish, double, comme on dit. On démarre à 501 et on doit descendre. Et automatiquement, on doit finir par un double. Voilà. Nous, c'est le... Au niveau de la FFD, c'est le jeu principal qu'on... Alors, c'est pas facile à expliquer comme ça en radio, mais bon, le double, c'est le petit cerceau extérieur. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'est de baisser le nombre de ces points. Oui. Voilà, on part de 501, on baisse, bon, admettons, la personne fait 60, donc au premier tour, il est à 441, etc., etc. Et quand on arrive vers la fin, c'est là que ça devient rigolo, ça se complique, il faut terminer par un double. Et le segment, il fait 3 cm à peu près sur... sur pas grand-chose. Ouais, un peu moins de 3 cm sur 5 mm, quoi. Ah oui, donc c'est vraiment... Et comme maintenant, je comprends mieux pourquoi calcul mental est en plus dans l'autre sens. Hein, donc, oui, bah, calcul mental, c'est plus pour les joueurs, même s'il y a, un scoreur. Mais c'est pour pas qu'il soit déconcentré, il faut savoir ce qu'il fait, et puis qu'il déduise dans sa tête, ou pour savoir où il va. Et c'est la grosse différence entre les fléchettes pointe-assiette, c'est-à-dire les fléchettes traditionnelles, et les fléchettes électroniques, où là, ils n'ont pas besoin de savoir compter. Non, parce que ça dit des points, ça calcule les points. C'est la machine qui compte à leur place. Ah. oui, parce que Marcus, là, tu viens tout juste de titiller ma curiosité. Il y a plusieurs variantes des jeux de fléchettes. Oui, en gros, c'est le même jeu, hein, mais oui, il y a l'électronique. Moi, j'ai rien contre, mais bon, il faut mettre 2 € à chaque fois dans la machine. Et ça fait du bruit, et ça fait des bip-bip, et des machins. Bon, voilà, il y a d'autres avantages aux fléchettes électroniques. Mais il y a des avantages aux fléchettes pointe-assiette. Ça se joue, en général, c'est assez calme. Il n'y a pas trop de bruit. Même s'il y a des spectateurs, ça ne crie pas non plus pour n'importe quoi. Voilà. Oui. C'est nettement plus zen. Il y a plus de respect, je veux dire, sur l'air de jeu traditionnel que... Mais c'est pas le même jeu. Ça, c'est un autre monde... Le jeu, quoi. En électro, c'est plus spectacle. Il y a de la musique, etc. Déjà, c'est pas les mêmes cibles. Hein. C'est cible américaine. Nous, c'est cible anglaise. Voilà, les segments sont pas pareils. Voilà, c'est juste un peu plus gros, quoi. C'est pas plus facile pour autant, mais c'est juste un peu plus gros. Et oui, donc c'est qu'il y a différentes variantes, mais j'ai peut-être un petit peu envie de revenir à vous, tous les deux en fait, chacun. Depuis combien de temps vous faites des fléchettes ? Ben moi, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis l'âge de 18 ans que je suis dans le monde des fléchettes. On a même commencé, je me rappelle, moi j'ai commencé, c'était dans un bar à Rimont, sur un calendrier, voilà. Comme ça, on tapait... Et tu cherchais quoi en fait ? Je vais venir à Marcus, t'inquiète pas, hein, je vais te poser les mêmes questions juste après. Mais pourquoi avoir commencé à jouer aux fléchettes ? Bah, c'était plus de l'amusement, et puis après c'est plus convivialité avec les copains, et puis après il y a eu des clubs qui sont créés. Moi j'ai fait partie d'un club avant Remiremont. C'était le club d'Artagnan à Éloie. Bon, après, ça a terminé, ça a tombé à l'eau. Et je me suis mis à... J'ai pris le club à Remiremont, où justement, Jean-Michel avait créé le club. Vous noterez les beaux noms de clubs, hein, quand même. D'Artagnan, d'artiste. Je rappelle que d'art, en anglais, c'est la fléchette. Oui, tu fais... Ouais. Non, mais c'est bien, tu fais bien de le rappeler pour les auditeurs, comme ça j'ai pas à le faire, ou du moins pas dans l'immédiat. Voilà, comme je disais tout à l'heure, d'art c'est en anglais, et le east c'est et je trouve le que petit le... pas d'humour. Ouais, le nom est très joli. Ouais. On a eu des demandes pour amener nos tableaux à des expos de peinture, etc. Il y a déjà eu des trucs comme ça. Ah ben... Pourquoi pas, hein. Peut-être les tableaux, c'est les tableaux de fléchettes percées. Enfin bref, et toi Marcus, ça fait combien de temps que tu fais des fléchettes ? Première licence en 95-96, parce que j'avais été bénévole. J'ai commencé par être bénévole dans la sauce. Quand même, pour dire la motivation. Beaucoup. Voilà, Coupe de France 95, c'était à Épinal. C'est pareil, oui, on pourrait parler un peu de Vosges-Fléchette aussi, puisque Vosges-Fléchette a fait énormément de grosses compétitions. C'est une association qu'on avait créée, enfin que le club avec les clubs des Vosges avait créé. Et c'était tous les clubs des Vosges, et puis on organisait les Coupes de France. Hein, Coupe de France, Spring Cup, voilà, Open de France. Et sur ça, on avait fait en 2003 une Coupe du Monde. Ah à oui. Épinal. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, oui, avec... Trois ans de préparation, et une quarantaine de pays. Voilà, quarantaine de pays à peu près. Ça allait, la Chine, les États-Unis, Uruguay, Canada, Australie, Italie, Japon. Voilà, ouais, Japon. Là, c'était de la préparation, parce que, comme on dit, c'était des... Des délégations de 8 personnes, en gros, quoi, en moyenne. Oui, et puis c'était tous des packages, comme on appelait ça. Oui, donc il fallait s'occuper de l'hôtel, du transport, il fallait amener ces messieurs-dames à leur hôtel. Et ouais, voilà. Chercher dans les aéroports, louer des minibus. Tous des minibus. Trouver des chauffeurs. Non, franchement, un énorme truc, mais ça demande une logistique. L'hébergement. Il fallait tout gérer. Quoi. On proposait des hôtels, après, c'est la délégation qui choisissait, et puis qu'ils envoyaient, nous, c'était compris dans le package. Et donc, ce que tu dis, c'est le club d'artistes et d'autres clubs de fléchettes du secteur qui ont aidé à organiser. Les clubs vosgiens. Ah oui, et on va parler des différents clubs vosgiens un petit peu plus tard, hein, vous en faites pas. Mais dis-moi Marcus, donc tu as dit que tu as commencé en tant que bénévole dans l'association, mais tu cherchais quoi dans les fléchettes? Bah, en gros, moi j'ai commencé en électro dans un bar, quoi, voilà, pouf. Et je trouvais ça assez sympa, donc je suis monté au Palais des Congrès à Épinal, et il y avait besoin de bras, ben voilà, ça y est, ça commence, je sais comment monter les cibles, je sais comment les installer, je sais comment placer les pas de tir, etc., etc. Et c'est comme ça, après, de fil en aiguille, que tu as finalement fait partie du club et participé, j'imagine, à des compétitions. Je pense qu'on va en parler après la pause musicale, mais avant, il y a une dernière question qui me vient. Vu que vous êtes un club, il faut bien vous réunir. Et c'est où, quand et à quelle fréquence? Eh ben, l'Assemblée Générale, en général, c'est au mois d'août. Voilà, normalement, c'est fin août. Alors là, je vais en profiter pour préciser, je ne sais pas encore la date, parce que moi, fin août, je serai en vacances. Donc, ce sera sûrement programmé, soit un tout petit peu après, mais avant, ça m'étonnerait, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui sera en vacances aussi. La saison commence en septembre, donc voilà. Si on la fait début septembre, il n'y a pas scandale. Je pense que ce sera début de septembre, mais normalement, en général, c'est toujours fin août. Mais ça se passe à Remiremont, dans la localité, et comme je tiens à remercier déjà la mairie, parce qu'à chaque fois, il nous offre, il met à disposition la salle de conférence déjà, pour l'Assemblée Générale. Pour l'Assemblée Générale. Mais sinon, on a quand même les rendez-vous tous les mercredis en soirée à partir de 20h30, 21h, au bar La Mississippi, place Jules Méline, à Remiremont. Voilà, c'est où qu'est notre siège. Voilà. Donc on a une petite salle qui est séparée du bar, il n'y a pas de problème. On est isolé, on a deux cibles, il y a tout ce qu'il faut. Et si quelqu'un qui nous écoute a peut-être envie de se joindre à vous, est-ce qu'il doit peut-être passer, je ne sais pas, par la caisse, se présenter, payer une cotisation, ou il peut venir déjà comme ça? Ah bah il peut venir comme ça, non, c'est pas un problème. Il peut venir comme ça. Après, c'est juste s'il fait des compétitions, là il faudra qu'il soit licencié, oui, voilà, forcément. Il faut une licence, sachant que... S'il veut prendre des points. Que même si c'est des jeunes, ce sera des juniors, la licence elle est prise au niveau du club. C'est pour faire venir les jeunes, donc on prend en charge les déplacements, quand ils se déplacent pour aller faire des tournois. C'est le club qui prend en charge, plus sa licence. Et justement, en parlant de ça, il y avait une question qui m'était venue. Oui, les licences. Vous faites alors partie d'un rassemblement, de quelque chose comme ça ? Il y a une fédération française qui chapeaute tout. FFD, Fédération Française de Darts. Et puis ensuite, il y a les régions, il y a les comités où c'est le département. Voilà. Et il y a après, j'imagine, une délégation française aussi. Ah oui, il y a une équipe de France, c'est au niveau de au siège à Paris, la fédération à Paris qui gère... Il y a un sélectionneur qui choisit son équipe, enfin ses équipes, parce qu'il y a une équipe féminine, une équipe masculine. Et puis ça c'est au niveau des points, pendant tous les tournois qu'ils font dans l'année. Quand ils se déplacent pour les points, ceux qui sont bien placés, la plupart, le sélectionneur il fait sa sélection. Et sur les grosses compétitions, par exemple pour la Coupe de France ou des choses comme ça, il y a les vendredis, enfin la compétition c'est le samedi dimanche, mais le vendredi soir il est réservé à une équipe locale contre l'équipe de France. Voilà. Ah oui, en effet. C'est peut-être déjà l'heure de se passer une première pause musicale, un morceau que tu as proposé, Marcus, que tu aimes bien. Il s'agit de Rock Lobster, The Bee. 52, ça y est, je vais y arriver, hein, vu que je ne connais pas du tout, je découvre. Donc on va se découvrir ça, peut-être aussi que les auditeurs vont la découvrir avec moi. En attendant, on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Clapet. Muscles flexing. Flippers flipping. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter Rock Lobster de B-52s. Et vous êtes toujours dans l'heure des loups, bien entendu, pour parler de Fléchettes avec le club d'artistes. Et si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez toujours nous appeler au 03 29 62 40 40 ou nous laisser un petit message sur notre page Facebook Radio Gemozo. Ça fera toujours plaisir. On a déjà parlé du club en lui-même, hein, encore qu'on n'a pas tout dit sur le club, des différentes technique de Fléchettes, mais d'ailleurs j'y pense, hein, j'imagine que tous les deux vous pouvez répondre à ma question, combien de membres y a-t-il dans l'équipe? Je vais parler du club, dans le club on est entre 30 et 35, à peu de choses près, quoi. Mais par équipe c'est des équipes de 4, et vu qu'on est un gros club à Armiremont, 35 c'est le plus gros club de la région. On a la possibilité de faire trois équipes, A, B et C. Et il y a une petite différence de niveau entre la A et le reste. C'est-à-dire ? Non, quand on voit les joueurs de A et les autres, on n'a pas l'impression de jouer au même jeu. Ça se finit très vite, ils jouent très vite, ils jouent très bien. Et nous, on joue à notre niveau, quoi. Voilà. Et au sein de tout ce club, hein, vu que je vais encore parler de la totalité du club, est-ce qu'on peut parler peut-être d'une moyenne d'âge ? Oui, un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ouais, bah là, ça va jusque... parce qu'on a des... On a des... Comment on dit ? On a des juniors, on a... Pas beaucoup, mais on en a un au moins. Non. Mais aussi, on a Micheline. Et on a Micheline. Elle a une licence, mais c'est une licence dirigeant. Voilà, c'est un peu la doyenne. Avant, c'est la doyenne. On en avait deux. On avait Robert. Robert. Qui est petit disparu. Salut à Robert. Ouais, un petit coucou à Robert qui a disparu. Et c'était le doyen aussi du monde des Fléchettes. Il a toujours été là. Quoique d'Épinal au départ. Oui, Épinal au départ. Après, il est venu sur Armiremont, oui. Mais bon. C'est pareil pour Micheline. Voilà. D'Épinal au départ, mais... Voilà, Micheline, je ne me rappelle plus trop son âge, mais... On ne va pas le dire, c'est une demoiselle. On va dire ça comme ça. Et comme j'ai entendu, il me semble, deux noms de femmes, ou un, il y a aussi une certaine parité au sein du groupe, ou... Non. Non, il y a plus de mecs que de filles. Mais c'est pas... C'est comme bien. Ça, c'est tout, parce qu'il y a plus de joueurs que de joueuses, on n'y peut rien. C'est pas le club qui est mal représenté, c'est que dans tous les clubs, c'est comme ça. Et justement, en parlant de, entre guillemets, tous les clubs, j'ai un petit peu envie rapidement de parler des clubs du secteur, pour savoir à quel point c'est répandu de jouer aux Fléchettes. Alors, en Pointe-Acier, il y a Épinal... Senon, Moyen-Moutier, Remiremont. Et puis. Et Nancy qui est rattaché aux Vosges. Oui, mais t'as oublié. Mais encore. Bruyères. Ah, nouvelle équipe de Bruyères. Nouveau club depuis cette année, Bruyères. Qui. Je pense qu'ils vont aller assez loin dans la compète. Donc eux, c'est des joueurs d'électronique au départ qui viennent en Pointe-Acier pour nous embêter. Ils ont un club. Ils vont réussir à nous embêter. Je pense, hein, parce qu'ils en veulent. Ils ont un potentiel. Voilà, ils ont le potentiel pour embêter le monde. Et ils vont pouvoir aller assez loin, peut-être. Mais justement, je sais que vous avez parlé aussi d'équipe A, qui va certainement en compétition. J'aimerais peut-être qu'on en parle un petit peu plus. Alors, à quelle compétition l'équipe a-t-elle participé, ou le club peut-être ? Et de quelle ampleur? Au niveau de l'équipe A, il y en a, on va dire, trois ou quatre, mais il y a deux qui ils se déplacent beaucoup. Voilà, ils vont faire des tournois, des Open, tout ça, pour en doublette pour se... On va être obligé de rentrer un petit peu dans les détails des catégories, quoi. Finalement, par équipe, il y a peu de compétitions, mais il y a beaucoup de compétitions en simple et en double. Et donc, il y a des joueurs qui font plus ou moins de tournois pour avoir des points en double ou en simple. Bon, malheureusement, Gérald n'est pas venu aujourd'hui, il en aurait mieux parlé que nous. Mais lui, il fait des tournois, il se déplace. Et il y en a qui ne se déplacent pas parce qu'ils font que les classements équipe. Donc ça, c'est des classements tout au long de l'année. Et là, nous, on est en fin de saison, à cette époque. Et donc là, on voit ceux qui ont fait des tournois ou pas. Et après, c'est libre au capitaine de l'équipe A de choisir ses joueurs. Alors, c'est libre en fonction de la forme qu'ils ont. Ou si même les joueurs le disent, je suis pas en forme ou quoi que ce soit... Bah, et puis par rapport à ceux qui se déplacent, qui font des compétitions, ceux qui ont l'envie. Hein. Après, donc, c'est le dernier point, c'est le chef de l'équipe qui fait son équipe. D'ailleurs, cette année, comme je disais tout à l'heure à Marcus, qu'il y avait un peu de changement dans les équipes, parce qu'il y en a qui sont plus là, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui sont pas là par rapport à leur boulot. Donc il y a un ou deux nouveaux, je crois. Et puis il y en a, bon, qui seront toujours dans l'équipe, mais c'est pas sûr qu'ils seront dans la phase finale. Ils joueront pendant les poules, mais sur la phase finale, après, ce sera l'équipe que le capitaine a choisi, quoi. Alors, je reviens quand même là. Nous, pour nous, on est en fin de saison. Est-ce qu'on organise donc les 5 et 6 mai toute la journée? Ce sont les Masters nationaux par équipe. Donc comme ça, pour celui qui ne connaît pas, ça ne dit pas grand-chose. Mais pour faire simple, c'est les 32 meilleures équipes de France qui vont se déplacer à Armirmont. Donc là, l'écrémage est déjà fait. Quoi qu'il arrive, même une équipe qui n'est pas terrible, c'est qu'elle joue déjà pas mal. Ah bah, il y a que des bons, quasiment. Les 31 équipes qui viennent à Armirmont... Hein. Ils vont pas venir, comme on dit dans le jargon, enfiler des perles. Hein. S'ils sont là, c'est que ils ont eu leur place au niveau des points quand ils ont joué. Donc chaque comité, sélectionne sa meilleure équipe ou ses deux meilleures équipes si par hasard c'est un gros comité. Enfin bref. Donc là, il y aura du spectacle. Il n'y a que des bons joueurs. Samedi, dimanche, toute la journée. J'ai plus trop les horaires, mais on va parler des finales. Les finales, c'est dimanche à 16h, quelque chose comme ça. Le meilleur... Mais quoi qu'il arrive, même le samedi, ça joue déjà très très bien. Ouais, bah le samedi, oui, parce que jusqu'au sixième tour, après, c'est le classement de la première phase à 20h, et ça reprend le dimanche, donc 8h15 pointage, et après, ça démarre avec les 16e de finale, quoi. Voilà. 16e, 8e, quart de finale, après la petite pause, petite pause repas, et on enchaîne l'après-midi avec vers 14h, entre 14h et 14h30, les demi-finales. Et puis à 15h30, en gros, c'est finale sous le podium, quoi. Voilà. Et au niveau de logistique, au niveau de la logistique, il y a combien de personnes en gros qui sont attendues pour cet événement? Ben, logistique, c'est déjà tout le club. Tout ce qui est présent, j'espère que on va lancer encore un. Tout ce qui est tout le nom du club, tous ceux qui peuvent être présents, ce serait bien de contacter soit moi ou Jean-Michel Abdel, hein, qu'on puisse voir dès le vendredi. Parce que le vendredi, c'est le montage. Donc, toute aide est bienvenue, que ce soit du club ou bénévole. Hein. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, ils seront bien accueillis. Même pendant la compétition, ceux qui sont bénévoles et qui connaissent le monde un peu de fléchettes ou des copains qui jouent aux flèches et puis qui veulent donner un petit coup de main, même si c'est 3 heures ou 4 heures ou une demi-journée ou une journée entière, il n'y a pas de souci, on s'adapte à tout. Voilà, comme ça j'ai lancé un petit appel, ça tombe bien. Un appel aux bénévoles, ça fait toujours du bien. Voilà. Mais ça dépend comment ta question a été posée. En logistique, ça nous demande quand même d'amener 33 cibles, de monter un podium, on a des caméras sur le podium. Ça, je le dis quand même, parce que venez en tant que spectateur pour les finales, même si vous êtes loin de la cible, vous verrez bien. C'est projeté sur grand écran, en gros. Et il y aura 4 caméras qui seront installées. Et au niveau de, comment dire, de sportifs, de compétiteurs, combien de personnes sont invitées à concourir? C'est 32 équipes de 4 minimum. C'est 4 avec les remplaçants. 4 joueurs minimum, plus le capitaine, donc ça fait 5. Plus, en général, ils viennent avec un ou deux remplaçants. Voilà, plus les accompagnants, hein, bien sûr. Il y en a qui ils viennent avec leur épouse ou leur époux, ça dépend. Voilà. Bien sûr, donc ça fait beaucoup de monde à accueillir à Remiremont, donc ce week-end, samedi, dimanche 5 et 6 mai. Donc toute la journée au centre des congrès, c'est bien ça? Palais des congrès, oui. C'est le palais des congrès. Ah bah tiens. Et l'entrée pour assister à ce spectacle, ces journées-là, c'est gratuit? C'est gratuit. Voilà. C'est gratuit, n'hésitez pas à passer. Il y a petite restauration aussi sur place, voilà, boissons, pour se désaltérer. On a du choix sur la restauration. Oui, voilà. Il y a du choix. En général, les gens sont agréablement surpris. Un peu de terroir. C'est pas que du jambon beurre, quoi. Voilà, quoi. Il y a des petites surprises sympas. Et puis oui, on a hâte de découvrir ces petites surprises. D'ailleurs, petite question qui me vient, vu que ça commence quand même un petit peu à venir à la mode. Il y aura un petit plat pour les végétariens? Bonne question. Là, on va bien trouver un peu le détu. On arrivera bien à trouver quelque chose qu'il faut le samedi. Non, honnêtement, oui. On n'a pas pensé du tout. Pour le fromage, si tu manges du fromage, ça va. Si tu es végétalien, là, ça devient compliqué. Ouais. Bien sûr, mais au moins, les végétariens, végétaliens pourraient être informés. Hein, au moins, ils sauront qu'ils peuvent peut-être trouver un petit truc à grignoter. De toute façon, ils se méfient tellement qu'ils ont toujours un petit biscuit dans la voiture. T'as pas tort. On va peut-être se passer une deuxième pause musicale, un morceau de Queen cette fois, Breakthrough. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Breakthrough, these barriers of pain. your smile speaks books to me. Break up with each and every one of your looks. And you're starting something deep inside of me. And you're sparking something this far from me. I'm out of control. I wanna rush headlong into this ecstasy. If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be breakthrough. If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be breakthrough. Oh yeah. De retour sur Radio Gémozo 107 FM, vous venez à l'instant d'écouter Breakthrough de Queen, bien entendu, vous avez reconnu. Marcus, tu veux dire quelque chose? Ouais, il n'y a pas que moi qui passe des trucs de vieux. T'es méchant, c'est sympa Queen. Bon, si quelqu'un croise une petite voiture grise ou la conductrice, une petite blonde, chante à tue-tête, vous inquiétez pas, c'est moi. Voilà, parce que c'est du Queen, hein, après tout. Donc, on est toujours avec Marcus et Dominique pour parler de Fléchette, du club d'artistes. Donc, D-A-R-T-I-S-T-E-S. Parce que bien entendu, Dart, c'est le nom anglais pour Fléchette, hein, comme ça qu'on sache d'où ça vient. Et on a parlé un petit peu de l'organisation de l'événement que l'association organise ce week-end, 5 et 6 mai, toute la journée au Palais des Congrès, tiens, c'est moi qui avais raison. Un master nationaux par équipe, c'est ça, où les meilleures équipes de France vont venir s'affronter. Et quel sera le but, en fait, de cet événement à terme? Ah bah, c'est de gagner. C'est comme toutes les compétitions, le but du jeu, c'est de gagner. Donc il y a une équipe qui sera championne d'équipe de France. Et qu'est-ce que ça lui rapporte au final? De l'honneur. On n'a pas trop. Il y a un petit. Je ne sais même pas. Au niveau récompense, je ne sais même pas s'il y a quelque chose. C'est surtout honorifique. Honorifique, et puis c'est un peu aussi. Moi, je veux parler en moi, pour moi, parce que c'est un peu un honneur. Moi, en tant que président du club, voilà, ça va faire 5 ans que je suis président du club. Bon, ça fait 4 titres. 4 fois qu'on est champion de France. Alors, autant, dont 3 fois d'affilée. Autant dire, sur les plaquettes, ça s'est jamais vu, ça. Voilà. Si, c'est déjà vu, mais il y a eu... nettement plus éparpillé. Il y a eu, de 2002 à 2005, il y a eu 6 ans, c'est dans le... Dans le Nord, ça. Dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin... Dans le 59, ouais. Voilà, Nord-Pas-de-Calais. Eux, ils ont eu pareil, 4 titres d'affilée. On va essayer de les égaler. Et en sachant que sur les 5 ans, on a été 4 fois champion, mais le titre n'a pas été trop loin, il a été à Senon. Voilà. Il est resté dans les Vosges, donc. Oui, donc que les Vosgiens, visiblement, se débrouillent bien en Fléchette, hein. C'est une bonne chose. C'est un petit peu une nouvelle attraction locale ou une autre chose, un autre sport duquel on peut être fier. Oui, et puis moi je lance un petit message à monsieur Ingret. Un club 4 fois champion de France sur les 5 dernières années, il n'y en a pas beaucoup à Remiremont. Ce serait sympa de faire un petit effort. Oui, ce serait sympa d'aller faire un coucou, bien entendu, vu que le Palais des Congrès est ouvert à tous ceux qui veulent aller voir, hein, et peut-être juste rencontrer des gens sympas et discuter, vu que j'imagine que les fléchettes, c'est aussi un sport, une discipline avec laquelle on peut faire des rencontres et on organise, je ne sais pas, des moments sympas. Oui, c'est pour ça que j'invite plein de monde à venir voir, à venir découvrir, ne serait-ce que les structures... tout ce qui est mis en œuvre, parce que la plupart des gens croient que c'est un jeu de bar, mais c'est sûr que ça reste un jeu de bar, mais il y a quand même des compétitions derrière. Ça se déplace beaucoup, il y en a des joueurs qui se déplacent beaucoup dans toute la France, voire au-delà, des fois, hein, comme l'équipe de France, tout ça, bon, ça se déplace dans les pays étrangers, bien sûr, mais les Vosgiens se déplacent dans toute la France, donc c'est pas que des jeux de bar, quoi. Contrairement à beaucoup de personnes qui croient que ça reste toujours des jeux bar, mais non. Non. Mais bon, voilà. C'est avant tout un jeu d'adresse et de concentration, donc y a un moment, ça peut pas se faire dans les bistrots. On peut faire des petits matchs, parce qu'il y a aussi le championnat où c'est équipe de club contre équipe de club. Ça peut se faire dans un bar, mais dès qu'on augmente le niveau, non, ça se fait plus dans les bars, ça se fait dans des salles dédiées à ça, etc. Oui, donc au bout d'un moment, ça devient plus sérieux que l'image qu'on lui donne. En parlant de sport qui veut redorer son blason, j'ai juste envie de poser une question. Je sais qu'en ce moment, la pétanque veut être reconnue au JO. Est-ce que c'est un petit peu votre cas aussi pour les fléchettes, envie d'une reconnaissance plus importante ? On a espéré, quand il y a eu les JO à Londres, parce que bon, les fléchettes sont quand même un jeu anglais au départ, on a espéré qu'ils le mettent en présentation, comme la pétanque en France en 2024. Et ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ce n'est pas passé. Alors que c'est dommage, puisque c'est un jeu qui ne demande pas spécialement de matériel, comparé à d'autres sports comme la voile ou je sais pas quoi, ou l'équitation. C'est un sport qui ne coûte rien, qui est joué partout dans le monde. C'est dommage. Et la pétanque, je défends la pétanque parce que c'est pareil. Une fois que vous avez acheté vos boules, hein, vous les gardez 30 ans, c'est bon, quoi. Enfin, même plus. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. C'est pas des piscines olympiques. C'est pas. Voilà, ça, c'est des sports qui sont à la portée de tout le monde. Et je trouve ça très bien. Ouais, ils ne veulent pas reconnaître aux Jeux olympiques. On est classé avec les lanceurs de javelots. Ouais. Ah, pourquoi pas, c'est des javelots en beaucoup plus petits. C'est ça, ils considèrent ça comme ça, alors qu'en réalité, ça, on devrait se rapprocher plus du tir à la carabine ou au pistolet. C'est des sports de précision et de concentration. Oui, en effet. Ou tir à l'arc. Aussi, oui, mais après, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour beaucoup de sports, hein, d'entrer dans la Légion des JO. Bon, je pense mais un petit peu... Au moins en présentation, au minimum. Ils ont failli proposer le bridge. Là, je commence à dire non, quoi. Oui, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Un jeu intellectuel, certes, mais ça reste un jeu de cartes. J'ai rien contre les jeux intellectuels, mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Le sport, le côté concentration et précision, oui, ça d'accord. Les fléchettes en font, pour moi, en feraient partie. La pétanque en fait partie largement. Ça mériterait, oui. Or, ils nous proposent des trucs qui coûtent des fortunes, qui intéressent quelques pays riches, mais qui ne sont pas mondiaux. Pour moi, les JO, c'est quelque chose de mondial. Oui, en effet. Et d'ailleurs, dis-moi, tu as un petit peu titillé ma curiosité, si un auditeur est un petit peu sceptique sur la place des fléchettes dans les catégories du sport, ou même peut-être que toi, Dominique, tu peux répondre. Voilà, en quoi, en fait, les fléchettes, c'est un sport ? Ben, c'est un sport au niveau de concentration, de l'adresse, autant que pour le javelot, comme on peut dire, s'ils veulent nous affilier au javelot, c'est de l'adresse, c'est le lancer, c'est, voilà, nous, c'est des lancers de fléchettes, c'est des lancers de javelot, donc c'est de l'adresse, de la concentration, y a un peu, qui rentre un peu dans le système, quoi. Oui, en effet, donc ça c'est pour la reconnaissance des fléchettes ou même de la pétanque, hein, vu que c'est un petit peu en débat en ce moment pour les JO. Hein, comme je le rappelle, c'est pas évident pour d'autres sports d'être reconnus aux JO. Comme je le disais, je pense à l'escalade qui a mis beaucoup de temps à être acceptée et ça va être le cas, enfin pour les prochains JO, enfin je prêche pour ma paroisse bien entendu. On va continuer à parler de sport après la troisième et dernière pause musicale. C'est un morceau de Marc Lavoine intitulé « Toi mon amour » et cette fois c'est toi Dominique, pas mon amour par contre, qui m'a suggéré ce morceau. Donc on... Bisous Delphine. Oui, bah oui, tu peux passer un mot à ton épouse qui t'a fait découvrir ce morceau bien entendu, si tu veux le faire maintenant. Voilà ma chérie, si tu m'entends, bah, c'est pour toi. Donc merci Delphine, parce que grâce à toi, on va s'écouter « Toi mon amour » de Marc Lavoine. Et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Moi je suis mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Et c'était toi mon amour de Marc Lavoine. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et si l'envie vous vient, vous pouvez toujours réagir à l'émission en nous passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez aussi passer un petit mot sur la page Facebook Radio Gémozo, même si vous avez un message à passer en live. Allez-y, faites-vous plaisir. Je suis toujours avec Marcus et Dominique du club d'artistes. Et non, c'est pas un club de peinture ou d'art, c'est un club de fléchettes pour d'art en anglais, qui veut dire bien entendu fléchette, c'est ça. Et ce club qui existe depuis 1984, on a fait du bout de chemin. Si je crois, c'est ce que tu m'avais dit en début d'émission, hein, généralement je retiens. Ah, moi je suis pas d'accord. Non, je crois pas. Non. Je dirais 90. Moi. C'est 90 qu'il a créé. Ouais, je crois. Bon, en tout cas, c'était avant 2000, ça c'est sûr. Ça change pas grand chose. Voilà quoi. C'est dans les années 80, fin 80, début 90, on va dire. Oui. Et donc, ce club qui a fait plein de choses, qui a organisé plein de choses, hein, je le rappelle, organise un événement avec d'autres clubs vosgiens. Hein, les samedis, dimanches, donc 5 et 6 mai, toute la journée, toutes les deux journées au Palais des Congrès. Il y a le Master National par équipe. Donc, 32 meilleures équipes de France vont venir s'affronter pour le titre honorifique de meilleure équipe de fléchettes de France. L'entrée est bien entendu gratuite, il y a restauration, buvette et plein d'autres choses à voir et plein de gens sympas à rencontrer, dont justement Marcus et Dominique et les autres joyeux lurons du club qui se réunit tous les mercredis soirs, donc à partir de ce soir aussi, au bar Le Mississippi. Si vous voulez aussi leur faire un petit coucou ou jouer un petit peu avec eux, je pense que c'est l'occasion. Ah ben bien sûr, vous pouvez venir découvrir, il n'y a pas de souci. En parlant de ça, vu que le club a des années d'existence, ça fait un moment que vous faites des fléchettes. Hein, toi, Dominique, ça fait depuis que tu as 18 ans. Et Marcus, il me semble que tu avais dit les années 80. J'avais seulement 14. Ah oui, donc en effet, ça remonte. Est-ce que au niveau des fléchettes ou même au niveau du groupe, vous avez un meilleur souvenir, un souvenir anecdotique? Oh, le meilleur souvenir, oh, ça reste quand même, la Coupe du Monde qu'on a, organisée, quoi. Quand même, oui. Avec Vosges Fléchettes, bien sûr, hein, avec les clubs vosgiens. Ça, c'était un bon événement, ça se passait presque sur une semaine, et en plus... Ça se passait sur la semaine complète. Sur la semaine, et le week-end, c'était la Coupe de France. Non, l'Open de France. Oui, et Open de France, ouais. Oui, et d'ailleurs, dis-moi, donc ça fait partie de tes meilleurs souvenirs, et comme tu es, je le rappelle, un président de l'association, club d'artistes, bien entendu, association, club sportif, vu qu'on a parlé aussi en troisième partie d'émission, donc il y a une dizaine de minutes de la place aussi des fléchettes dans le sport, hein, que c'est un sport d'adresse, de précision et de concentration. Est-ce qu'il y a des événements assez importants, mis à part la Coupe du Monde à Épinal, qui ont été organisés, ou peut-être des grands voyages qui ont été faits entre membres du groupe? Oh ben, au membre du groupe, moi, depuis que j'ai été sapeur-pompier volontaire, en fait, c'est pas que j'ai lâché les compétitions, mais je me déplace pas vraiment sur les grandes compétitions. Je me déplace plus. Ça me prend du temps aussi, au niveau de mon sapeur-pompier volontaire, plus mon travail normal. Donc, je suis beaucoup pris. Donc, de moi-même, j'ai décidé de pas trop faire de compétition, à part locale. Bien sûr, et tant qu'on y pense, on en profite pour saluer les sapeurs-pompiers volontaires et même non volontaires. Ils font un travail très important et qu'il ne faut pas oublier de souligner. C'est bien que tu nous le rappelles, Dominique. Et c'est même pour tes obligations de sapeur-pompier que tu pars pas. C'est tout à fait louable. Et toi, Marcus, dis-moi, tu as un meilleur souvenir en fléchette ou avec le club d'artistes? Bon, c'est vrai que la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon, a été impressionnante au niveau découverte de personnes venant un petit peu de tous les azimuts. C'était franchement sympa. Je garde en particulier le samedi soir, terminant la Coupe du Monde, on avait une soirée de gala. Les japonaises qui sont venues en tenue de gala, les kimonos, etc. Et qui à la fin se forçaient à pleurer pour dire on va se quitter. On s'était croisés simplement dans la semaine, quoi. Alors que tu avais l'impression qu'elles avaient perdu leur mère, quoi. Ça m'a fait. C'est une différence de culture. Mais voilà, quoi. C'était impressionnant parce qu'elles y mettaient vraiment du cœur, quoi. Ils sont arrivés en habit traditionnel parce que moi personnellement avec le trésorier Jean-Michel Abtel, on a été chercher la délégation à l'aéroport. Ils étaient 8-10, je pense à peu près. On a été chercher avec les camionnettes, ils étaient habillés traditionnels, quoi. C'est avec le salut traditionnel de leur pays, voilà. Et toujours le grand sourire, quoi. Oui, ça devait être quelque chose. Oui. Et je pense que c'est sur cette note qu'on va tout doucement s'arrêter, mais avant... Ça passe trop vite. C'est ce que tout le monde me dit. C'est étrange. Mais avant de se dire au revoir et avant de vous laisser la parole pour un dernier mot de la fin et que je rappelle encore votre événement de ce week-end, je fais comme j'ai l'habitude de le faire, le programme de la soirée. Donc, juste après cette émission, normalement, on a Antoine pour ce qu'il faut savoir. Avec un peu de chance. Oui, on attend de voir s'il arrivera dans nos locaux vu que je serai toujours à l'antenne avec lui. Puis, à partir de 21h jusqu'à minuit à peu près, c'est la rediffusion de l'émission de François Mosaïque. Et la rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h en podcast, bien sûr, on peut la retrouver en podcast, pardon, sur le site et sur la page Facebook Radio Guémozo, et suivi de la chronique de Michel et enfin de la matinale de Marion. On se retrouvera demain, non pas en direct, mais pour un compte rendu d'une journée à laquelle je suis allée, à Winsenheim, pour la journée de l'homme, de la nature et du jardin à Winsenheim. Mais pour en savoir plus, je vous laisserai l'écouter demain. C'était Marcus et Dominique du club d'artistes, donc club de fléchettes Romarie-Montain, pour parler de l'association et de l'événement. Marcus, tu peux peut-être nous le rappeler rapidement. Les Masters nationaux par équipe de fléchettes traditionnelles, les 5 et 6 mai. Au centre des congrès de Remiremont. Palais des congrès. Palais des congrès. Décidément, ça rentre pas. Ouverture des portes 8h. Buvette, restauration. Sur place. Et spectacle. Et si vous avez encore un dernier mot, un mot de la fin, avant que je rende l'antenne. C'est gratuit, profitez-en. Voilà. Et puis, merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu. Merci Marcus d'être... venu au micro, hein, vu qu'on t'entend pas souvent à l'antenne. Là au moins je connais un petit peu, donc je peux en parler. Bien sûr, mais en tout cas je vous remercie, hein. Je rappelle encore l'événement ce week-end au centre des congrès, mais pour ceux qui... au palais des congrès, pardon, je vais y arriver, hein. Non, on n'y arrivera pas. Non, c'est la faute à Marcus, tu m'as embrouillé tout à l'heure. Je suis d'accord. Merci encore d'être venu, hein. Merci de nous avoir écoutés, hein. Cette fois je m'adresse aux auditeurs, et pour d'autres aventures on se retrouvera demain même heure sur Radio Guémozo. Bye bye. Merci. Bonne soirée à tous.